Si t'parles pas, t'corresponds pas, la pression est palpable. J'rappe pour mes frères, mes semblables qui s'entraident, qui s'estiment. Toujours là pour te soutenir, que tu sois avec ou sans sous. Leur seul souhait, t'es la santé. Tu finisses pas à faire fleurir la santé, à faire les 100 pas. Le temps passe, le temps perdu, on ne peut le rattraper. Prêt à tout pour pas te faire attraper. Je viens de te rapouter, crève des thunes, c'est le pif qui parle. J'ai les comptes en stèle, mental, chacal pédale. 9-4 Val-de-Marne, pour tous les frères et sœurs dans la merde qui se démerdent. Respect père et mère, élevé au couscous, m'a fait pas aux boîtes de concert. Africain, trop fier d'être noir avec l'argent sale qu'on planchit ici. T'as pas ton suffit, sur la justice on chie. On n'est jamais mieux servi par soi-même. Jamais on fait chier, c'est ça c'est le plat, tâche de ne pas l'oublier. Comme la première jeta sur ton putain de survêt de corsa. Violent comme la souffrance qui règne en chacun de nous ici bas. Enferme-moi et je pose deux pains de stick plat pour me charade là. 9-4 chute pour nous. Trop la haine, gros c'est dangereux. L'évolution gravée sur le brolique, toujours en mode silencieux. Le rap c'est mon jazz, remballe avant que je te baise. Et préviens tous ceux qui veulent test que je vais leur briser le crâne parce que je suis chaud comme la braise. Laissez trop de traces avant de partir. Mauvaise graine avant l'heure, nourrie à la rage depuis le plus jeune âge. Triste à mourir, j'ai perdu le sourire. Dû regarder espoir quand les problèmes s'enchaînent et que tout se complique. Arnaqué par ceux qui nous gouvernent, chaque jour on braque pour faire du fric. On traque ceux qui nous pillent, on évolue dans le brouillard et les frères s'engraînent. On compte même plus les vendus, mais sache que dans ce monde tout se paye. Marre de voir nos vies bradées par des PD dépourvus de bon sens. Résister, on fait que ça, ramène qui tu veux. Ton trou de PD ou les autorités, on défouraille tout le monde. Lyrical braco, 94 coach lasse dans vos rats, bande de bolos. Viens le bonjour de ma zone. J'ai la pression de la vie, rattrapé par la trentaine. J'ai la haine de 30 hommes dans mon cœur et mes veines. Au volant d'un 30 tonnes, je vous mets la pression urbaine. Quand mes actions restent vaines, j'ai la rage comme emblème. J'ai tué la tristesse quand elle m'a dit je t'aime. Enveloppé par la peine, j'ai plus rien à revendre. J'ai l'impression d'être fou, comme si je faisais du surplace. Quand le chétal me parle, je me déplace à l'humeur. J'ai des envies de meurtre, et braquer vos épargnes. Faire un trait sur ma vie, on a tous nos avis. Emprisonné par la street, on a tous un air triste. La liberté nous a eu, elle est en forme de statue. Dans un bled étranger, on n'a pas su nous ranger. On est des soldats d'argile, alignés par rangée. La pression jugulaire, le message est tranchant. Phrase coagulaire, de la main d'un pur sang. L'ambiance s'ébade, les chômeurs pleurent et j'en entends l'écho. Maintenant on inspire faire le tour de la ville en hélico. Je te l'ai déjà dit, faut prendre soin de tes ennemis parce qu'on a que. Pour changer d'air quand les gros problèmes font la queue. Je connais la rue, mes émissaires dans ces locaux. Pas pour autant que tu trouveras des tas de noirs sur mon logo. Tellement simple, discret que je pourrais me cacher sous mon ombre. Je suis pas de soi qui ont la ferme et qui la ramène en surnombre. Croisé tant de sourires traîtres à lâcher bralette. Croisant mes anecdotes, ça me donne de quoi remplir des ramettes. J'suis pas fan d'une vie complète, j'aime qu'on la simplifie. A l'inverse d'un bon texte, le temps que je lui sacrifie. Si j'avais su dans un puits de sens, je me serais imbibé. Au lieu de rappeler la zone quand elle m'a bipé. Faites vos jolis des sons pipés. Mes cicatrices sont les séquelles de leur hameçon. J'ai fait que répondre à l'appel qu'on vienne pas me faire la leçon. Pêche-moi. Si le silence est d'oreille, c'est qu'on dort pas. J'rappe pas tard, j'fais pas du rap, rey, tu sors pas. De la street on sort, l'état du rap me sort pas le cul. Sincère dans mes lyrics, mais les faux ne l'ont pas cru. Les faibles ont les excuses, les forts ont les solutions. Les faux me font des excuses, j'kick et j'paye l'addition. J'additionne, voyez les consonnes. La street on la consomme et on s'en seul. C'est dans le seum qu'on se console. Je sais que c'est con à dire, mon rap fait du bien au vrai. Mais à vrai dire, les pseudo-stars ne savent plus quoi dire. Ne savent plus quoi faire, ne savent plus quoi fuir. C'est nous la relève, Ray, il te reste plus qu'à fuir. L'état nous pèse, donc on pèse. L'état à son tour, la retourne, Ray. Donc on les pèsera à leur tour. À toute heure, sur le terrain, la rue est ton tuteur. Parce qu'on m'a dit que la rue t'allume à toute heure. Ouais, ouais, ouais, ouais.